Les Nuits de France Culture. De nouveau, bonsoir Bernard Chambaz. Bonsoir Alban. Nous nous retrouvons pour la suite de votre nuit rêvée. Que venons-nous d'entendre, Bernard Chambaz ? L'hymne de Liverpool, des Reds, qui reste sans doute le plus beau club européen. On dit que le football anglais s'est considérablement enrichi. Enfin, l'argent a pénétré complètement le football mondial, européen, anglais aussi. Mais je crois que le Liverpool reste aujourd'hui, le stade de Liverpool, qui est maintenant le stade d'Anfield, reste vraiment le plus beau stade du monde. On parle parfois de cathédrale, de temple, enfin de ce qu'on veut, mais c'est, je pense, le plus beau stade et un des plus beaux clubs. Nous en avons parlé dans la première partie de cette nuit. Dans le paysage de votre arrière-pays, il y a l'humanité dimanche et Vaillant, je suppose. Mais il y a aussi Miroir Sprint et Miroir du football. D'où vous vient votre passion pour le sport, pour le football et le vélo en particulier ? De l'enfance, tout simplement. Et puis c'est personnel. Tout à l'heure, nous parlions de l'éducation communiste, l'éducation catholique. Je dirais que le rapport au sport, c'est ce qui les transcende. C'est-à-dire que c'est extérieur à toute éducation. Ça a été probablement la première grande découverte de ma vie, la première grande expérience de ma vie, le goût du ballon, le goût du vélo, et qui s'est transformé ensuite disons, un certain goût pour regarder les autres, les champions, jouer au ballon ou faire du vélo. Donc faut juste rappeler que j'ai grandi aussi à une époque où il y avait à peu près un match de football par an à la télévision, quand on avait la télévision. Donc ça change évidemment tout. Le football, vous l'avez pratiqué longtemps ? Dans quelle équipe ? Oui, je l'ai pratiqué. D'abord, j'ai joué longtemps au lycée, dans la cour ou dans le square, en sortant du lycée et parfois en séchant les cours ou sous le métro, la station du métro qui était Sèvres-le-Courbe. Mon souvenir magique. Après, j'ai joué après la fin de mes études, donc j'ai joué pendant près de 20 ans dans un club qui était un club de sport corpo. Donc moi je jouais dans l'équipe de l'EDF. Voilà, j'ai joué avec l'EDF pendant 20 ans. J'ai lu quelque part que vous jouiez en FSGT. Voilà. Qu'est-ce que la FSGT ? La FSGT, c'est la Fédération Sportive et Gymnique du Travail. Donc c'est à côté, il y a deux grandes fédérations de football, la très très grande, dites la 3F, Fédération Française de Football. Il y a cette fédération FSGT qui était en fait l'organisation du sport en entreprise. Historiquement, elle était liée à la CGT. Après, elle a pris ses distances. Enfin, elle a eu son autonomie, je dirais. Donc, c'était des championnats régionaux entre équipes d'entreprise. Et il y avait une Coupe de France qui s'appelait la Coupe de l'Aune, voilà, que j'ai eu la chance de disputer. Étiez-vous attaquant ou défenseur, un buteur ou plutôt un passeur? J'étais juste au milieu. Donc j'étais entre l'attaque et la défense, j'étais milieu de terrain. Et j'étais plutôt un coureur de fond. J'étais un passeur, j'aimais bien faire des passes, mais j'aimais bien aussi marquer des buts. Mais voilà, j'étais... Passeur, c'est plutôt de gauche et buteur plutôt de droite? Non, non, non, ça j'y crois pas un instant. Après, oui, il y en a qui théorisent avec pour ça que je vous pose subtilité la question, l'idée que le plus beau but qu'on peut marquer, c'est une passe. Mais oui, pourquoi pas. Mais non, je pense que ça, il y a des deux. Il y a des buteurs de gauche et des buteurs de droite, réciproquement. Il y a même des buteurs dans le même temps maintenant. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. C'est l'histoire d'un gardien de but allemand, Robert Henke, qui vous a inspiré Plongée en 2011. Une histoire qui rencontrait votre propre histoire, Bernard Chambaz. Oui, ça fait partie des livres. Alors, là aussi, c'est une des raisons sans doute pour lesquelles j'ai beaucoup écrit. C'est un livre qui m'a... j'en dis juste deux mots. Il m'a sauté dessus, si je puis dire. C'est-à-dire, un soir... J'ai besoin d'un sas de décompression avant de me coucher, donc je regarde un peu de télévision et d'informations sportives. Et donc j'entends que le joueur de football, gardien de but de l'équipe d'Allemagne, qui s'appelle Robert Henke, est mort, qui s'est suicidé, qui s'est jeté sous un train, et ça c'était la veille du 20e anniversaire de la chute du mur. Journaliste précise, je suppose, qu'il avait perdu une petite fille 2 ans avant. Parce que là, c'est un vrai suicide. Une petite fille qui avait l'âge de 2 ans. Et bon, voilà, je me couche, je m'endors. Et le lendemain matin, je me réveille en me disant je vais écrire le livre de la vie de Robert Henke. C'était Delteil avant l'heure. C'est aux morts pour qu'ils vivent. Et le mort, c'était évidemment Robert Henke, lui aussi un garçon de 33 ans. 32, 33. Et c'était aussi sa petite fille de 2 ans. Et c'était comme une espèce d'impératif, d'impératif moral, littéraire. En plus, j'aime énormément le mot que vous avez employé au tout début d'arrière-pays. Et je suis heureux que vous l'ayez utilisé d'ailleurs par rapport au sport. C'est aussi le titre du livre qui m'a le plus touché dans ma vie, sans doute, qui est l'arrière-pays d'Yves Bonnefoy, qui était par rapport au domaine, à la fois au paysage et à la peinture. Et ben là, il y a aussi dans ce livre-là un arrière-pays qui est l'Allemagne. Et c'était une façon aussi de voyager en Allemagne sur les traces de Robert Henke. C'est en tête d'Eter qui mène le train à une rapidité folle, prenant le virage du rond-point de Boulogne. Derrière lui, Müller, en troisième position, Fassekner, en quatrième position, Robic, avec son maillot blanc parement rouge et son casque bien ajusté. Nous entrons maintenant dans l'avenue de la Reine. Dessert vient de céder le commandement à Müller. Müller est toujours suivi par Fassekner. Robic prend sa roue. Dessert vient se placer derrière, en quatrième position. Müller se retire à droite pour laisser la place à Fassekner. Et il change de vitesse, se préparant sans doute déjà pour le sprint du parc. Nous sommes toujours dans l'avenue de la Reine. Nous avançons, nous sommes à hauteur d'un square dont je ne me souviens pas le nom, je m'en excuse. Je commence à apercevoir là-bas, tout au bout de l'avenue, les maisons modernes de la porte de Saint-Cloud. C'est dire que le Tour de France, 34e du nom, tire à sa fin. Robic, son vainqueur, est en deuxième position. Fassekner vient de lâcher le commandement. Robic mène. Il est suivi par Dessert. Dessert et Müller, cependant que Fassekner vient derrière. Et la foule crie Robic, Robic, Robic. Les mains s'agitent, les mouchoirs aussi. Nous passons entre une double haie de chevaux de la garde républicaine qui sont venus assurer le service d'ordre. Je dois dire d'ailleurs que la foule est extrêmement disciplinée et tient libre toute la largeur de l'avenue de la Reine. Les acclamations vont crescendo, on sent qu'on arrive près de Paris. Pour Robic, ce n'est plus un triomphe, maintenant c'est du délire. Et Robic prend la roue maintenant, il ne prend même plus les roues, il se tient un peu à droite. Le petit peloton des quatre hommes est emmené par Tesser. Tesser qui mène extrêmement rapidement. Qui mène extrêmement rapidement, cependant que derrière, c'est Müller. Müller qui reprend le commandement. Nous arrivons en vue du virage qui va nous permettre de tourner dans la rue du commandant Guilbeault, et c'est-à-dire près du Parc des Princes. Je demande à Jean Quittard qui m'entend au Parc des Princes de se tenir prêt à prendre le relais, car maintenant il va entendre l'acclamation populaire qui va déferler. Il s'agit du premier duplex radio réalisé sur le Tour de France par Georges Briquet en 1947. Il s'agit donc du premier direct en mouvement à bord d'une Jeep par onde courte. On entend donc la voix de Georges Briquet, le héros radical et rusé qui avait le ton juste selon vous. Oui, enfin, il a bercé cette voix là. Je suis très très ému de l'entendre. Enfin, cette voix a bercé mon enfance. C'est à la fois la voix, enfin, tellement particulière, pas la voix de Georges Briquet en particulier, mais la voix des hommes de radio de cette époque, et c'est aussi le mouvement, ce qui l'accompagne, c'est-à-dire on entend la course, on perçoit la course, et c'est ça encore, c'est quelque chose de, moi je trouve, d'assez merveilleux de penser qu'on écoutait le Tour de France à la radio, c'est-à-dire on le regardait pas à la télévision, il y avait que ça, et c'était quelque chose de merveilleux. Là, on en a un petit exemple avec cette arrivée. Il y a quand même aussi un côté génial. On passe à côté d'un square dont il s'excuse auprès des éditeurs de ne pas se rappeler le nom du square. Et là aussi, ce qui m'a frappé, j'ai adoré, c'est il passe la parole à Jean Quittard. Jean Quittard, c'est un nom que je n'ai pas entendu depuis peut-être 50 ans, qui était un journaliste qui est passé après au service de télévision. Et voilà, c'est en ça que cette émission est très belle, c'est qu'elle permet de sortir de l'ombre, de rendre à la mémoire et rendre hommage à des noms qui avaient pu disparaître de l'horizon. C'est donc avec le cyclisme que s'ouvrira cette deuxième partie de votre programme d'archives. Le vélo, autre passion que vous pratiquez très sérieusement, nous y reviendrons. Nous serons dans la légende du cyclisme avec un documentaire consacré à la rivalité Gino Bartali-Fausto Coppi, dont nous écouterons la première partie et nos auditeurs pourront entendre la seconde demain. Bartali-Coppi, est-ce que c'est la plus grande histoire de la mythologie du cyclisme ? Pour moi, oui. C'est comme Bella Ciao tout à l'heure, c'est mon penchant italien. Oui, sans doute plus qu'Antille Poulidor, sans doute plus proche d'un certain nombre d'auditeurs. Et peut-être aussi parce qu'Antille Poulidor, c'est les années 60. Bartali Coppi, c'est les années 40, enfin début des années 50, donc c'est plus loin. Et pour moi, alors c'est lié à l'Italie, c'est lié à... D'ailleurs, on pourrait faire un parallèle entre Antille Poulidor d'une part et Bartali Coppi d'autre part. Il y a une Coppi ressemble à Antille et Bartali à Poulidor, si on veut, à part que Bartali a beaucoup plus de qualité, notamment morale, que Poulidor, et que Coppi a une histoire sans doute plus grandiose encore qu'Antille. En plus, l'un et l'autre représentent très bien ce qui traverse l'Italie des années 50 et des années 60, c'est-à-dire ce rapport à la modernité. Et enfin, pour moi, ils sont liés à la littérature, dans le sens où on sera jamais assez redevable à Dino Buzzati d'avoir suivi, pour le Corriere della Sera, le Giro, le Tour d'Italie de 1949, d'en avoir fait des articles, que ces articles ont été publiés en livre, en Italie d'abord, en France ensuite, et que au cours d'une des étapes, qui était la grande étape des Alpes, il a posé ce postulat à quoi nous serviraient nos études classiques, écrit-il. C'est-à-dire, oui, à quoi nous serviraient nos études classiques si nous n'étions pas capables de comprendre que Coppi Bartali renouvelait la rivalité entre Achille et Hector. Et voilà. Et ça, c'était bingo. C'était une intuition magnifique en 49 et je pense que après Blondin a fait autrement en France, mais je pense que beaucoup de ceux qui écrivent sur le vélo sont dans la trace de Buzzati. D'ailleurs, selon vous, le vélo et l'écriture auraient à voir. Oui, c'est ben ils ont moi ce qui m'a frappé à un moment où j'ai dû essayer de réfléchir à la question, c'est ce qui m'est apparu, c'est que en tout cas, on apprenait à écrire et à faire du vélo en même temps. On peut me raconter ce qu'on veut, mais je veux dire, on à 6 ans à l'école, voilà, on apprend à faire des pleins et des déliés, des lettres pour apprendre à écrire, et c'est souvent à 6 ans, enfin en tout cas de mon temps, c'est à cette époque. Puis de mon temps, il n'y avait pas de petits trous, donc on passait directement avec un vrai vélo où on fait des boucles aussi sur un espace donné. Une fois que la main, qui n'est pas la main de Dieu, mais la main du père ou du grand-père en général, a lâché la selle et que vous êtes parti à l'aventure sur 200 mètres carrés. Vous ne vous êtes pas contenté, Bernard Chambaz, d'écrire sur le vélo, de suivre le Tour de France, le Giro et la Vuelta, car si vous ne les avez pas disputés, ces trois grands tours, vous les avez faits. Oui, en fait, c'est quand est arrivée l'année 2003, qui était l'année du centenaire du Tour de France, je me suis dit, justement, par cette passion d'enfance qui est commune à beaucoup, beaucoup de monde et à un certain nombre d'écrivains, je me suis dit, ce serait sympa d'écrire un livre sur le Tour de France, mais quoi? Comment m'y prendre? Quel angle original? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Enfin, voilà, je me suis posé la question, et si je le faisais moi-même? C'était, j'ai bien fait de me la poser, mais en même temps, une fois que je me l'étais posé, j'ai tout mis en œuvre pour le réaliser, pour le faire. Alors que à cette époque-là, je ne faisais du vélo que, je dirais, accessoirement. J'étais pas un cycliste et donc je me suis lancé dedans, je me suis préparé. Je l'ai fait, j'ai eu le bonheur que ça marche parce que je suis un garçon endurant et j'ai eu un plaisir inouï à le faire et j'ai eu un plaisir inouï à en faire un livre ensuite, à le revivre en livre. Donc. Et vous faisiez les mêmes étapes complètes que le peloton professionnel? Ah oui, bien sûr. Bah oui, sinon ça aurait pas été marrant. Votre Tour de France en 2003, votre Tour d'Italie en 2006, votre Tour d'Espagne en 2008. Pourquoi vous engager dans de tels grands tours? Encore une fois, le premier c'est 2003, donc voilà, je viens de le dire. Après, c'est justement le bonheur a été tel, je me suis dit, faut que je recommence. Bah, j'ai recommencé en 2006 et après le Tour de France, c'était assez logique d'aller faire le Tour d'Italie. Et là, l'idée que j'ai eue, c'était de, je refais le Tour d'Italie de mon année de naissance, qui était donc qui est toujours 1949, et j'avais de la chance parce que c'était un grand tour dans l'histoire d'Italie, donc c'est précisément le tour sur lequel Dino Buzzati était, que c'était en plus un tour magnifique par l'itinéraire, parce qu'il partait de Palerme pour arriver à Milan en passant par toutes les grandes, enfin par Naples, par Rome, par Venise. Je suis arrivé, donc je l'ai fait pareil. Alors, il y a des étapes en plus, ça m'a amusé à l'avance, de 300 km. Donc deux jours de suite, 300 km, bon, fallait les faire quand même. Heureusement, c'est l'été, donc le soleil se lève tôt et se couche tard. Ça me laissait du temps, mais arriver à vélo, je peux vous assurer que sur la lagune de Venise, c'est quand même, ça reste un souvenir impérissable. Bon, puis une fois que j'avais fait l'Italie, j'allais faire le troisième, donc c'était le Tour d'Espagne. Et là, comme je trouvais aucun itinéraire qui me plaisait, aucune histoire qui me plaisait, parce que il y a pas la même histoire, il y a pas la même magie, j'ai inventé par moi-même un itinéraire à ma mesure, en passant par toutes les villes par lesquelles j'avais envie de passer. C'était très agréable aussi. Après la bicyclette, c'est avec un écrivain voyageur que se poursuivra votre nuit rêvée, avec Nicolas Bouvier, interrogé en 1992 par un autre écrivain voyageur, Jacques Meunier. Pourquoi ce choix de Nicolas Bouvier? L'expression même d'écrivain voyageur, je ne la reprends pas à mon compte. C'est fondamentalement, Bouvier est un écrivain et un voyageur. À mes yeux, c'est un grand voyageur par les voyages qu'il a entrepris. C'était des grands voyages, notamment le premier, celui qui est fondateur, qui est un voyage qui dure quand même plus de deux ans et demi, qui le conduit de Genève, sa ville natale, jusqu'en Inde. Et puis c'est un très grand écrivain. Moi, je suis de ceux qui pensent que il fait partie des plus grands écrivains francophones, puisqu'il est suisse, du XXe siècle, et notamment par ce premier livre du premier voyage qui s'appelle L'usage du monde, qui reste un chef-d'œuvre. Moi, je l'ai lu peu de temps après qu'il l'avait paru. Depuis, Dieu merci, il a conquis un public extrêmement large, et c'est parfaitement justifié si au cours de cette nuit j'avais un livre à recommander, ce serait celui-là. Vous avez vous-même écrit plusieurs livres qui sont des récits de voyages. Écrivez-vous durant vos voyages ou au retour de vos voyages ? Quasiment toujours au retour des voyages. Jamais, c'est justement cette année, ce dernier voyage que j'ai fait dans l'Oural, en Russie, c'est la première fois de ma vie que je prends des notes. Et jusqu'à présent, jamais. C'est-à-dire ou très très rarement. C'est quelques détails dont je ne pourrais pas me souvenir, mais sinon jamais. C'est-à-dire que je laisse à tort ou à raison l'idée que ça se décantera et que le livre doit être fait des traces que la mémoire a conservées. La littérature, d'une manière ou d'une autre, est-elle indissociable du voyage ? Non, enfin, ça dépend comment on l'entend. C'est-à-dire que pour tout le monde, beaucoup de voyageurs n'écrivent pas de récits de voyage. Après, c'est, là aussi, on est justement, vous le disiez tout à l'heure, au XXIe siècle, et y compris avec Internet, la toile, etc., etc. On a beaucoup de récits de voyage. Enfin, autrefois, un récit de voyage, il fallait le publier. Aujourd'hui, un récit de voyage, il suffit de le mettre soi-même sur Internet. Il peut y avoir des choses tout à fait intéressantes. Quand on voyage aussi, en général, on emporte un livre pour lire aux heures creuses. Après, écrire un livre, c'est encore autre chose. Beaucoup des voyages que nous avons fait, ma femme et moi, ont été l'objet de livres. Beaucoup d'autres voyages que nous avons faits ne l'ont pas été. Donc, tous les voyages ne sont pas le motif, le sujet d'un livre. Nous l'avons évoqué au début de cette nuit, votre dernier livre, Un autre Éden, est le récit d'un long périple à vélo entre les États-Unis et le Canada à la recherche de Jack London. Comment ce livre s'est-il imposé à vous ? Ah, ça, c'est une histoire. Déjà, ce livre est en quelque sorte la suite, le second de celui, non pas qu'il avait précédé, mais que j'avais écrit quelques années auparavant, qui s'appelle « Dernière nouvelle du Martin Pêcheur », où j'avais déjà traversé, cette fois-ci, les États-Unis de la côte est à la côte ouest, à vélo, ma femme en voiture, en quelque sorte à la recherche de notre fils Martin. Là aussi, ces cinq semaines de voyage avaient été telles, et l'arrivée à Los Angeles, ce que je disais autrement pour le Tour de France tout à l'heure est valable, c'est-à-dire que ça avait été tellement beau, tellement bien, que j'avais envie de recommencer aussi. Et donc ce que j'ai fait cinq ans plus tard, en traversant le Canada, donc de Vancouver à Québec, dans le même dispositif, c'est-à-dire moi, et avec les mêmes dispositions, moi à vélo, ma femme en voiture. Là, la nouveauté, parce qu'on ne refait jamais le même livre, sinon ça n'a pas d'intérêt, c'était que on partait à la poursuite, si je puis dire, de deux personnes qui étaient Jack London et Martin. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'idée s'est imposée, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure à propos du footballeur allemand Robert Henke, ça m'a sauté au visage. C'est-à-dire que, ils sont nés le même jour à un siècle de distance, quasiment le même jour. Martin est né le 15 janvier 76, Jack London le 12 janvier 76. Donc ce qui n'avait pas vocation particulière avant la disparition de Martin, le jour où je m'en suis aperçu après, pour moi, donc Jack London a été très proche de Martin. Il l'a été d'autant plus qu'on sait bien que le grand roman de Jack London, c'est Martin Eden. Donc il y avait là une espèce de d'impératif moral et littéraire à les mettre de plein pied et à tenter ce voyage. Un aspect de l'œuvre de Jack London que l'on ignore parfois, c'est son travail photographique, en particulier ses photographies en Angleterre, Bernard Chambaz. Oui, c'est une des premières fois qu'il a photographié. C'est notamment parce qu'il y avait eu, et là aussi on voit comment les livres entraînent les livres, il avait été publié aux États-Unis un livre sur la pauvreté dans les villes, à la toute fin les toutes dernières années du 19e, je crois, et avec des photos. Et Jack London a eu l'idée, en fait, de faire la même chose en Angleterre. Donc il est parti en Angleterre avec son Kodak à soufflet. Il est allé à Londres. Là, à Londres, c'est d'ailleurs assez rigolo, il est allé dans une agence de voyage pour qu'on lui organise le voyage dans l'East End. Bon, ils étaient effarés. Dans les bas-fonds londoniens de l'époque, ouais, hein, c'est ouais, vraiment le, ça. Ouais. Le comble de la misère. Donc il y allait tout seul, il s'est installé. Et il a vécu là-bas de 2 mois, il a écrit dans la chambre qu'il avait louée, et il a pris des photos dont certaines sont magnifiques. Enfin, il était très doué. Il a pris aussi... Alors après, il a continué, il a fait ça à Londres, il est parti comme correspondant de guerre en Corée en 1904. Il y a des photos de lui de Corée qui sont incroyables. Il a fait ça aussi au moment du tremblement de terre de San Francisco. Il était à côté... dans son ranch à Glen Helen, à 100 km, il est venu, il a fait des photos de San Francisco le lendemain matin, de la nuit où il y a eu le tremblement de terre. Il a fait des photos des îles du Sud au cours de son voyage sur le Snark. Il avait un talent, plus qu'un talent, il était un formidable photographe. C'est avec un écrivain, lui aussi photographe, que se poursuivra votre nuit, Denis Roche. Nous l'entendrons en 1999 à propos de son livre « Le boîtier de mélancolie ». C'était précisément à propos de ce livre que vous vouliez l'entendre. Comment présenter ce livre ? Ce livre est un des plus beaux livres aussi que j'ai eu l'occasion de lire. Je viens de le dire pour Nicolas Bouvier, mais... Je peux le dire autrement pour Denis Roche. C'est un livre de photos, mais qu'à la particularité, il a fait c'est 100 photos. La règle du jeu, c'est une photo par photographe, et lui écrit en vis-à-vis un texte. Et comme Denis Roche était aussi doué pour la photographie que pour la littérature, c'est une centaine de textes qui sont de véritables mines. C'est un livre, il a été publié aux éditions Azan, qui est magnifique, il est doublement magnifique parce qu'il a les textes de Roche et il y a les images qu'il a choisies et les photographies qu'il a choisies. Et donc ce projet éditorial qui est parfaitement accompli. Vous avez signé en 2017, vous l'avez évoqué en début de nuit, un livre que l'on pourrait rapprocher de celui de Denis Roche. C'était Le Dernier Tableau, qui réunissait autour de vos textes la dernière œuvre de 100 peintres. Aussi bien Hopper, Van der Weyden, Vermeer, Pollock, Warhol, Basquiat, Dali, Mondrian, Picasso, Renoir, etc. 100 peintres donc. Que visiez-vous par une telle entreprise ? C'était un livre de commande. C'est sans doute aussi une de mes plus belles expériences, un de mes plus beaux souvenirs de livres à écrire, c'est-à-dire me plonger dans l'histoire de la peinture, le choix des peintres, pas le choix du tableau. Après, ce qui était très très intéressant aussi, c'était de déterminer quel était le dernier tableau. Parce que le problème aussi avec les peintres, d'abord, dans les siècles anciens, les classifications sont soumises à interrogation, et et à une certaine imprécision. Et même, y compris dans les siècles plus récents, en général, les tableaux sont, comment dire, on garde la date par année et pas forcément par mois et pas forcément encore moins par jour. Donc, savoir lequel était le dernier, c'était pas toujours très très simple. Cela dit, ça m'a permis d'avoir de faire des découvertes. Là aussi, j'ai eu beaucoup de chance, y compris de faire ce livre en 2017. Parce que si je l'avais fait 5 ou 6 ans plus tôt, par exemple, on n'aurait pas eu Bacon. Or, le dernier tableau de Bacon, là, les auditeurs peuvent le voir aussi autrement, mais le dernier tableau de Bacon, il est incroyable, il est magnifique. Bacon très sobre, mais dans une arène qui en plus est quand même sur une surface plate. On ne sait pas si un taureau ou l'esquisse d'un taureau entre ou sort. Il y a quelque chose de bouleversant aussi quand on sait que c'est le dernier, quand on sait que il va bientôt mourir. C'est pour vous une des œuvres les plus émouvantes, les plus fortes. Oui, pour moi c'est une des de votre livre. C'est une des plus fortes avec sans doute dans la peinture contemporaine aussi avec Music. Vous avez dit quelques noms, moi, dans ceux qui me bouleversent, il y a aussi, il y a Bacon, il y a Music, il y a Toulouse-Lautrec, là, il y a une exposition de Toulouse-Lautrec à Paris, Toulouse-Lautrec, c'est extraordinaire, c'est ce qui s'appelle l'Amiral View, enfin, ça surprendra, là aussi, l'auditeur, et ça, c'est le hasard on sait, c'est avéré, c'est le dernier tableau, et ce sont souvent des histoires qui sont, surprenantes. Donc, si vous me permettez, juste un exemple, c'est Bernard Buffet, qui ne fait pas partie de mes peintres préférés. Encore que son dernier tableau soit, à mes yeux, un des plus beaux qu'il ait peint, mais c'est les conditions de sa mort qui sont incroyables. C'est-à-dire que il déjeune à midi avec sa femme, Annabelle, il remonte dans son atelier, puis il dit qu'il va faire la sieste, il commençait à être atteint de la maladie de Parkinson, enfin il avait du mal à peindre, plus de mal à peindre, et puis donc il se suicide, et donc pour se suicider il se met un sac sur la tête, mais c'est pas seulement qu'il se met un sac sur la tête, c'est qu'il prend le sac qu'il a à côté de lui, et sur le sac c'est un sac d'une exposition à son nom, donc il y a marqué Bernard Buffet, enfin les bandes Bernard Buffet. Donc là on a quand même une image d'une violence, et si on veut d'une beauté incroyable. Jean-Paul Riopel, c'est avec l'artiste québécois que se terminera votre nuit d'archives. Pour son œuvre, m'avez-vous dit, et aussi pour l'amour. Oui, Riopel, c'est un... J'avais déjà vu des toiles de lui. C'est au cours de ce voyage, cette traversée du Canada que je l'ai rencontré. Parce que quand on est arrivé à Québec, la première chose qu'on a faite, c'est d'aller au musée pour voir... ce qui a été au sens propre son dernier tableau, qui est ce qu'il appelle un hommage à Rosa Luxembourg, hein, donc une autre version de Bella Ciao. Mais Rosa Luxembourg, en fait, ça a été son amour, enfin, d'un temps, qui était une autre peintre américaine, merveilleuse aussi, qui s'appelle Joan Mitchell, et qui venait de mourir. Et quand il a appris sa mort, il a peint 40 toiles d'un mètre carré côte à côte, c'est-à-dire pendant des semaines dans son atelier, à l'automne, avec des bombes aérosols, avec des chalumeaux pour sécher la peinture. Il a peint cette espèce de fresque, qui était une fresque fondamentalement amoureuse, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je considère Riopel comme un très grand peintre, et je dirais que cette dimension amoureuse de sa peinture m'a beaucoup plu. Bien qu'ayant vécu en France, comme Joan Mitchell et avec elle, Jean-Paul Riopel n'a peut-être pas aujourd'hui dans notre pays une notoriété à la hauteur de son œuvre, ni même à la hauteur de sa valeur marchande, puisqu'en 2017, un de ses tableaux s'est vendu à plus de 7 millions de dollars. Comment expliquer que Riopel soit tellement moins connu que Pollock ou de Kooning? Est-il d'après vous un peintre de moindre importance? Non, je pense qu'il est... pense qu'il a la même importance que Pollock ou de Kooning. Après, Pollock, il est plus associé à la dropping peinture. Donc un rapport à la toile et aux gestes un peu différent. De Kooning, c'est une œuvre magnifique. Et là, d'ailleurs, de Kooning, j'ai pas pris son dernier tableau, j'ai hésité parce que, enfin, je pouvais pas, mais il y avait des derniers dessins de Kooning qui sont assez extraordinaires parce qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer et il a peint dessiné, je sais plus exactement, on voit, enfin, je suis pas un spécialiste, mais les médecins disent qu'ils voient les traces de la maladie, notamment par le fait que les traits sur la surface sont extrêmement espacés. Non, je pense. Alors, sincèrement, je pense, mais c'est qu'une hypothèse. Hein, ça tient au fait que Riopelle est canadien. S'il était québécois, s'il avait été à New York, enfin de l'autre côté de la frontière, il aurait peut-être la même notoriété que ses collègues. Bernard Chambaz, votre nuit rêvée nous parle de littérature, de poésie, de sport, des arts. Vous êtes un écrivain, mais vous avez été longtemps un enseignant au lycée Louis-le-Grand, donc pas dans les pires conditions d'enseignement. Sur la question de l'enseignement, vous rangez-vous du côté de ceux, de plus en plus rares, qui, sans dire tout va bien, disent tout ne va pas si mal, ou plutôt du côté de ceux qui pensent que l'on doit tirer le signal d'alarme ? Alors, tout d'abord, j'ai eu effectivement la chance d'enseigner à Louis-le-Grand, mais disons la moitié de mes années d'enseignement, la moitié précédente, j'étais dans un collège qu'on appellerait aujourd'hui ZEP. Donc j'ai connu les deux bouts de la chaîne. Alors, je le dis aussi, notamment pour si des jeunes enseignants nous écoutent, c'est sûr que dans les années 70-80, les conditions d'enseignement en ZEP étaient beaucoup moins dures qu'elles ne le sont devenues. Maintenant, je le poserai pas forcément dans ces termes-là. C'est-à-dire que enfin, toute ma vie d'enseignant, j'ai tenu à dire à juger que le niveau ne baissait pas. De la même manière que j'ai jamais parlé, moi, de mauvais élèves et de bons élèves, j'ai toujours parlé d'élèves qui avaient des bons résultats ou des mauvais résultats, ce qui est déjà, à mes yeux, sensiblement différent. Et j'aurais tendance à penser qu'il n'y a aucune raison que ça ait changé aujourd'hui. Après, je pense, encore une fois, tout s'est déplacé, les qualités, les élèves ont d'autres qualités que nous n'avions pas ou que mes élèves n'avaient pas. En même temps, ils ont des défauts que nous n'avions pas et que mes élèves n'avaient pas. Donc ça, je suis maintenant un peu loin pour en juger. Mais ce qui est une certitude, c'est qu'il faut investir dans l'éducation et pas se contenter de dire qu'on va le faire. Là, il y a une expression que je déteste, qu'on entend régulièrement, c'est même dans la bouche des ministres et même de l'éducation nationale, c'est « on va mettre le paquet ». Au lieu de dire « on va mettre le paquet », mettez-le pour de bon, c'est-à-dire ouvrez les cordons de la bourse. C'est une condition sine qua non. Après, à mes yeux, il y a aussi quelque chose qui serait essentiel. J'avais d'ailleurs commencé moi-même à le lancer dans mon propre lycée, à Louis-le-Grand, c'est de préserver, de sauver ce qui peut être sauvé des humanités classiques. C'est-à-dire qu'il y a, aujourd'hui, on parlait de Vernon, enfin c'est entre autres, mais il y a des trésors de connaissances, de sensibilité, d'humanité qui sont en train de se dissiper. Donc ne laissons pas se perdre tout ce qui a fait notre fond de culture classique. Et tout ça en comprenant qu'il faut emmener là-dedans et en ouvrant d'ailleurs ce fond peut-être à d'autres civilisations, mais les programmes d'histoire, par exemple, avaient commencé à le faire dès les années 80. Et il faut emmener toute la génération, il faut emmener tout le monde là-dedans. L'école est un des plus beau lieu a priori qui soit, il faut lui redonner tout son lustre, essayer, mais bon, ça c'est des propos, ça doit être facile à tenir comme ça en fin de nuit, ça doit être beaucoup plus difficile à réaliser, j'en suis bien conscient. Bernard Chambaz, nous retrouverons dans un peu moins de 2h30, juste avant la fin de votre nuit rêvée, après avoir écouté Gino le Juste, la première des deux histoires particulières intitulée Les deux échappées de la petite reine, proposée par Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez Franchini en juin 2019. La suite la nuit prochaine. Du jour au lendemain, dans la bibliothèque de Jacques Meunier avec Nicolas Bouvier par Alain Weinstein en 1992. Denis Roche, à propos de son livre Le boîtier de mélancolie, toujours dans Du jour au lendemain d'Alain Weinstein en 1999. Et enfin, le monologue du peintre avec Jean-Paul Riopel au micro de Georges Charbonnier en 1957 sur la chaîne nationale. Bernard Chambaz, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.